Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus, téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 14 mars avez-vous choisi de nous rappeler? Le 14 mars de 1937, le pape Pie XI s'élève contre le nazisme et publie cette fameuse encyclique au nom explicite, Mit brennender Sorge, en allemand dans le texte, avec une inquiétude brûlante. Les encycliques sont habituellement publiées en latin, mais là le pape a fait une exception pour souligner qu'elle était destinée à être lue dans les églises allemandes. Et que dit-elle cette encyclique? Elle met en garde contre le nazisme. Je vous rappelle que nous sommes en 1937, Hitler est au sommet de sa carrière, l'encyclique rappelle l'incompatibilité entre toute politique raciste et les valeurs de l'Église catholique. Et le pape en profite pour critiquer vivement la remise en cause du concordat qui avait été signé en 1933 entre le Saint-Siège et l'Allemagne, un accord qui avait pour but de protéger les catholiques allemands. Pie XI ironise gravement sur le culte du chef et sur cette espèce de religion nationale que le Troisième Reich est en train de mettre en place. Bref, il s'élève, disons-le, contre l'hitlérisme. Et les nazis laissent ce texte être lu dans les églises? Alors, disons que toutes les dispositions ont été prises par l'Église pour une diffusion la plus discrète possible de l'encyclique. Certains prêtres ne l'ont reçu que le matin même du jour prévu pour la lecture. Donc, on a pris Hitler par surprise, d'une certaine manière. Mais je suppose que ça ne pouvait pas rester complètement secret. En tout cas, ce qu'il fallait, c'était que les catholiques d'Allemagne puissent l'entendre. Évidemment, tout de suite, les nazis ont interdit sa diffusion. Ils en ont profité pour augmenter les brimades anticatholiques. Mais la lecture de Mit brennender Sorge fait partie de ces moments historique où l'Église a pris position sur le plan politique. C'est très rare, hein, d'ailleurs. Quelques jours plus tard, Pie XI... Enfin, c'est très rare dans les temps modernes, c'était très fréquent autrefois. Pie XI va publier une autre encyclique, Divini Redemptoris, qui va condamner cette fois le communisme soviétique, pour faire bonne mesure. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Nous évoquerons justement la dernière tsarine, Alexandra. Ce sera notre grande figure du